Chapitre 36. Les lions déchaînés. Les deux pardaillants bondirent et se ruèrent vers l'entrée du boyau. D'instinct, les ribaudes, collés au mur à droite et à gauche, leur firent un passage. Mais dès qu'ils se trouvèrent en tête, elles remplirent le couloir de leurs cris assourdissants. « Cato est morte ! Vengeons-la ! Mort au guet ! En avant ! En avant !» En un instant, les pardaillants s'étaient heurtés au groupe de soldats qui apparaissaient. Les deux premiers tombèrent, mortellement frappés à coups de l'arme bizarre et courte qu'ils portaient, des poinçons paraissaient-ils. Devant cette attaque furieuse, devant les visages des furies déchaînées qui hurlaient à la mort derrière les deux hommes, les autres soldats s'arrêtèrent. Le vieux routier et son fils avaient ramassé les piques des deux soldats tombés. De nouveau, ils foncèrent. Dans le boyau, il n'y avait place que pour deux de front. La nouvelle attaque des pardaillants jeta par terre les deux plus avancés. En même temps, la bande des ribaudes agitant ses armes, dagues, pistolets, tronçons d'épée, poussait des cris terribles. En désordre, les soldats remontèrent précipitamment l'escalier. Sans un mot, livides, hérissés, les pardaillants montèrent par bonds furieux. À chaque bond, un coup de pique, à chaque coup, un juron. À chaque juron, un homme qui tombait. Cela dura 2 ou 3 secondes. Tout à coup, les pardaillants se virent à l'air dans une cour. Ils respirèrent largement et, d'un même mouvement instinctif, levèrent les yeux comme pour se rendre compte qu'ils ne rêvaient pas, qu'ils voyaient bien une réalité, les sombres bâtiments du temple et, là-haut, le ciel où brillaient des étoiles pâlies par l'approche de l'aube. Alors ils entendirent le grand tumulte des cloches, des arquebusades, de l'énorme tuerie et ils frissonnèrent. « Feu !» tonna la voix d'un officier. Les deux pardaillants tombèrent à plat ventre, la décharge passa au-dessus d'eux et ils se relevèrent d'un bond. L'officier avait rangé ses hommes au fond de la cour sur un seul rang. Les arquebuses déchargées, il hurla « En avant !» Alors, dans cet étroit espace qu'éclairaient les premières lueurs de l'aube, il y eut une mêlée fabuleuse, comparable en ses évolutions désordonnées au tourbillon d'un cyclone. En effet, les soldats, croyant que les pardaillants étaient les chefs de cette bande de furies, les avaient entourés. Le vieux routier et le chevalier s'étaient adossés l'un à l'autre. Autour d'eux tourbillonnaient les hommes d'armes et, autour des hommes d'armes, avec des cris stridents, tourbillonnaient les femmes. Ruggieri, cependant, courait comme un insensé, s'arrachant les cheveux et vociférant des malédictions. « À l'aide ! À l'aide ! Il s'échappe ! Oh, il n'y a donc plus personne ? Au meurtre ! À moi !» Il parvint à la grande porte et l'ouvrit, affolé, ne sachant plus ce qu'il faisait. Des groupes de catholiques passaient, le mouchoir blanc au bras. « Ici ! Ici ! » hurla Ruggieri. « Misérable ! Ils ne m'entendent pas !» Devant lui, on pillait une maison d'où sortaient les cris perçants des victimes. « Par ici !» appela Ruggieri. « Il y a 2 huguenots ici ! Maudits ! Soyez maudits !» On ne l'écoutait pas, en effet, chacun des assassins pillards étant occupé à quelque sinistre besogne. Alors, avec des sanglots terribles, se heurtant au mur, se frappant la poitrine, invoquant les esprits, il rentra dans le temple, courut au hasard, appelant, vociférant, et s'arrêtant enfin dans la cour où se trouvait le poste fermé par la roussotte et Paquette. Il eut un rugissement de joie en apercevant les hommes d'armes derrière les barreaux des deux fenêtres. Réveillé par le tumulte, d'abord effaré de trouver la solide porte fermée, ces hommes cherchaient à démolir les grilles des fenêtres. « Attendez, je vais vous aider, vite, vite !» Au nom du ciel, cria un sergent, que se passe-t-il? Vite, vite, ils se sauvent, il me faut leur sang, hardi, voilà les barreaux qui fléchissent. À ce moment, une grande clameur le fit se retourner. Il vit la cour se remplir de femmes délirantes qui hurlaient, victoire, victoire! Elles passèrent en courant, se dirigeant vers la grande porte. Les soldats du poste, à grands coups, cherchaient à démolir leurs grilles. Deux barreaux sautèrent enfin. À cet instant, les dernières combattantes passèrent échevelées et cette vision fantastique s'évanouit sous une voûte. Les deux pardayants, les derniers, apparurent alors, sanglants, l'œil en feu, marchant de ce pas souple et terrible des grands fauves qui regagnent leur forêt. Ruggieri s'envoie, bégayant une dernière malédiction, voulut se jeter au-devant d'eux. Le chevalier, d'une main, l'écarta sans effort apparent. Mais le geste avait dû être puissant, car Ruggieri alla rouler jusqu'à la muraille, au pied de laquelle il tomba tout d'une masse, évanoui, en proférant une dernière clameur de rage et de désespoir. Les pardayants passèrent. Cinq ou six soldats, par l'ouverture pratiquée, sautaient dans la cour et leur courut reçus. Les deux fauves se retournèrent avec un grondement si effroyable, avec des faces si terribles, que les reîtres s'arrêtèrent, reculèrent et mirent en joue. Deux coups de feu éclatèrent. Sans hâter leurs pas souples de lions en marche, les pardayants continuèrent leur route et, comme les 40 soldats du poste enfin délivrés s'élançaient ensemble, ils les virent franchir la grande porte que Ruggieri avait ouverte et disparaître dans la fumée, dans le tumulte. L'officier survivant, stupéfait du spectacle insensé que présentait la rue entrevue, ne songea qu'à se barricader. Puis il se mit à la recherche du gouverneur Montluc, qu'il trouva ficelé, ronflant sous la table de sa salle à manger. À ce moment, il était 3h30. Le jour grandissait. Malgré cela, les bandes de forcenés qui parcouraient les rues n'éteignaient pas leurs torches. Elles servaient à mettre le feu aux maisons marquées d'une croix blanche. Les deux pardayants, une fois hors le temple, avaient pris au hasard la première rue. Elle était pleine de fumée et de cris. Fumée des arquebusades, fumée des incendies, détonations, cris d'horreur, cris d'insultes, clameurs d'agonie, et sur tout cela, le hurlement des cloches affolées. « Libre !» gronda le vieux routier en jetant autour de lui des yeux sanglants. « Libre !» répéta le chevalier. « Pauvre Cateau !» Ils se regardèrent. Chacun d'eux avait ramassé une forte rapière et une bonne dague. Dagues et rapières étaient rouges, ils étaient déchirés, ils étaient pâles. Leurs yeux conservaient encore plus l'horreur de l'épouvantable minute vécue sous le plafond de fer qui descend que l'horreur de ceux qu'ils voyaient. « Pas blessé ?» demanda le vieux. « Rien, ou presque. Et vous, monsieur ?»« Pas une égratignure. Allons. Mais qui a-t-il dans Paris ?» « Que de sang, que de fumée! Quel cri, quelle affreuse bataille !»« Non, mon père, c'est un égorgement. Allons, dépêchons. »« Mais où? Chez Montmorency ?»« Tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on ose attaquer le maréchal. D'ailleurs, il est catholique. Venez, vite !»« Où aller alors ?»« À l'hôtel Coligny, mon père. On tue les Huguenots. Là, on doit tuer aussi. »« Ah, mon pauvre ami !» Marillac ? Mais il est mort. Le sorcier te l'a dit. Il a menti, peut-être. Allons. Tout en parlant ainsi, à mots brefs et rauques, ils marchaient d'un bon pas. À diverses reprises, des bandes les regardèrent d'un œil soupçonneux. Qui étaient ces deux qui n'avaient ni croix ni brassard ? Mais la plupart s'écartaient prudemment. Ces deux-là, avec leurs rapières et leurs dagues, avec leurs faces de lion, étaient de taille à se défendre. En tout temps, rien n'est lâche comme les massacreurs. Cependant, plus ils entraient dans Paris, plus leur marche devenait difficile. « Criez, vive la messe !» vociféra soudain une voix devant eux. Une sorte de brute, les manches retroussées, les bras rouges, leur barrait le chemin avec 5 ou 6 hommes. Les pardayants s'arrêtèrent. « Criez, vive le pape !» reprit la brute. Le chevalier leva son poing sans dire un mot. Le poing s'abattit sur la tempe de l'homme qui tomba d'une masse. « Va lui porter ça au pape !» vociféra le vieux routier. La bande, un instant effarée, se mit à les poursuivre avec des menaces furieuses. Ils se retournèrent. « Chargeons !» fit le vieux. En un instant, ils furent sur les hurleurs. Deux d'entre eux s'affaissèrent, les autres disparurent au fond d'une allée en criant. « Du renfort ! En voici deux ! Au parpaillot ! Sus ! Sus !» Quand ils sortirent, les pardayants étaient loin. Ils couraient maintenant, sans s'arrêter, enjambant ici un cadavre, faisant là un crochet pour éviter une foule en train de brûler une maison. Ils allaient, remplis d'étonnement, la cervelle endolorie par l'épouvantable tumulte des cloches et des détonations. Ils allaient, frappant tout ce qui se dressait devant eux, sans un mot, côte à côte, la dague en avant. Ils passaient comme un météore qui laisse derrière lui un sillage de terreur, et ce fut ainsi qu'ils atteignirent l'hôtel Coligny à 4 heures du matin. Une foule énorme remplissait la rue de Béthisy. Ils foncèrent et se frayèrent un passage. Peut-être les prit-on pour 2 catholiques forcenés. La porte de l'hôtel était grande ouverte, la cour encombrée de gendarmes qui hurlaient « À sac ! À sac !» Et ils entrèrent. Dans un remous de cette foule qui affluait et refluait, ils arrivèrent au centre de la cour, horrifiés, les nerfs prêts à se briser sous l'effort de l'indignation furieuse qui les tordait, et comme ils regardaient autour d'eux, pantelant de colère, une voix dominant le tumulte cria « Eh bien, Bem, Bem, Bem, as-tu fini ?» Et ils reconnurent le duc de Guise qui levait la tête vers une des fenêtres de l'hôtel.